L'horreur du plein ciel par Arthur Conan Doyle. Tous ceux qui ont eu à connaître de cette affaire ont renoncé à croire que le récit extraordinaire, appelé le fragment de Joyce Armstrong, soit une mystification forgée par un inconnu sous l'inspiration d'un humour dépravé. Le plus macabre et le plus fécond des farceurs y aurait regardé à deux fois avant de consacrer sa fantaisie morbide aux faits tragiquement incontestables qui étaient ce document. Bien que celui-ci soit truffé d'assertions stupéfiantes et même monstrueuses, il n'en est pas moins convaincant et nous oblige à réviser certaines idées qui paraissent aujourd'hui dépassées. Seule une marge insignifiante de sécurité protège le monde contre un danger inattendu. Avant de reproduire le document original dans sa forme malheureusement incomplète, je vais soumettre au lecteur tous les faits connus à ce jour. En premier lieu, j'avertis les sceptiques qui mettraient en doute le récit de Joyce Armstrong que les faits concernant le lieutenant Myrtle de la Marine Royale et M. Hay Connor ont été vérifiés. Ils sont bien morts, comme l'a décrit le narrateur. Le fragment de Joyce Armstrong a été trouvé dans le champ connu sous le nom de Lower Haycock, à 1500 mètres à l'ouest du village de Whittingham, sur la frontière du Kent et du Sussex. Le 15 septembre dernier, un ouvrier agricole, James Flynn, au service du fermier Matthew Dodd, de Chantry Farm à Whittingham, a perçu une pipe de bruyère à côté du chemin qui longe la haie de Lower Haycock. Quelques mètres plus loin, il a trouvé une paire de lunettes cassées. Finalement, il a découvert, parmi les orties du fossé, un livre plat endossé de toile. C'était un carnet de notes. Quelques feuillets s'étaient détachés et voletés au pied de la haie. Il a ramassé le tout. Trois feuillets, malheureusement, dont les deux premiers n'ont pu être retrouvés. L'ouvrier agricole a rapporté son butin à son maître. Celui-ci, à son tour, l'a montré au docteur J.H. Atherton de Hartfield. Ce gentleman s'est tout de suite rendu compte qu'une expertise était indispensable. Le manuscrit a donc été remis à l'aéroclub de Londres, où il se trouve encore. Les deux premières pages du manuscrit manquent. Une autre a été également arrachée à la fin du récit, mais la cohérence de l'ensemble n'en souffre pas. On suppose que le début retraçait le palmarès de M. Joyce Armstrong, palmarès aisément reconstituable et qui demeure inégalé dans l'aviation anglaise. Pendant de nombreuses années, Joyce Armstrong a été considéré comme l'un des hommes volants les plus audacieux et les plus savants. Cette combinaison de talents lui a permis d'inventer et d'expérimenter divers procédés auxquels son nom reste attaché. Tout son manuscrit est correctement écrit à l'encre, sauf les dernières lignes. Griffonnées au crayon, elles sont presque illisibles. On dirait qu'elles ont été tracées en toute hâte sur le siège d'un avion en vol. Ajoutons que des taches maculent la dernière page et la couverture. Les experts du ministère de l'Intérieur ont déclaré qu'il s'agissait de taches de sang, probablement d'un sang humain, à coup sûr d'un sang de mammifère. Le fait que l'analyse de ce sang ait révélé quelque chose ressemblant fortement au virus de la malaria, Joyce Armstrong souffrait de fréquents accès de fièvre, est un exemple remarquable des armes nouvelles que la science moderne met entre les mains de nos détectives. Un mot maintenant sur la personnalité de l'auteur d'un document qui fera époque. Joyce Armstrong, si l'on en croit les quelques amis qui l'ont bien connu, était un rêveur et un poète autant qu'un inventeur et un technicien de la mécanique. Il avait dépensé la plus grande partie d'une fortune considérable pour satisfaire sa maraude de l'aviation. Dans ses hangars près de Devise, il possédait 4 avions personnels et au cours de l'année précédente, il n'avait pas pris l'air moins de 170 fois. Il était souvent d'humeur sombre. En ces occasions, il s'isolait et évitait tout contact avec la société. Le capitaine Dangerfield, qui était son compagnon le plus intime, affirme qu'en certaines circonstances, son excentricité frisait la démence. N'avait-il pas l'habitude d'emporter en avion un fusil de chasse? D'autre part, l'accident survenu au lieutenant Myrtle l'avait déplorablement impressionné. S'attaquant au record d'altitude, Myrtle était tombé d'une hauteur d'environ 10 000 mètres. Fait horrible, sa tête avait complètement disparu. Cependant, ses membres et tout le reste de son corps avaient conservé leurs formes originelles. Chaque fois que des pilotes se réunissaient, Joyce Armstrong demandait avec un sourire énigmatique « S'il vous plaît, avez-vous retrouvé la tête de Myrtle ?» Un soir, après dîner au mess de l'école de pilotage de Salisbury, il avait provoqué un débat sur le thème suivant. Quel est le plus grand et le plus constant des dangers des aviateurs? Après avoir écouté les opinions émises à propos des trous d'air, des vis de construction, des orages, il avait haussé les épaules en refusant de donner son avis personnel, mais il avait fait comprendre qu'il différait radicalement de ceux qu'il venait d'entendre. Il n'est pas inutile de signaler qu'au lendemain de sa disparition, on a découvert qu'il avait mis ses affaires en ordre, avec une minutie qui autorise à croire qu'il pressentait la fin qu'il attendait. Ces indications préalables étaient nécessaires. Je vais maintenant transcrire exactement le récit tel qu'il figure à partir de la page 3 du carnet de notes ensanglanté. Néanmoins, quand j'ai dîné à Reims avec Ozélie et Gustave Raymond, force m'a bien été de constater que ni l'un ni l'autre n'avait conscience de l'existence d'un danger particulier aux hautes couches de l'atmosphère. Je ne leur ai pas dit tout à fait ce que j'avais dans la tête, mais j'ai procédé par allusion, et s'ils avaient eu des idées analogues aux miennes, ils n'auraient pas manqué de les exprimer. Et là, ces deux vaniteux sans cervelle ne pensent à rien d'autre qu'à voir leur nom imprimé dans le journal. J'ai noté avec intérêt que ni l'un ni l'autre n'avait volé beaucoup plus haut que 7500 mètres. Ce doit être carrément au-dessus de cette altitude que l'avion pénètre dans la zone de danger, toujours en supposant que mes hypothèses soient justes. Voilà plus de 20 ans que les hommes volent en avion. Si quelqu'un me demandait pourquoi ce péril ne se révélerait qu'à présent, la réponse serait simple. Au temps des moteurs modestes, quand on estimait qu'un songe Phognome ou Green suffisait à couvrir tous les besoins, les avions ne pouvaient pas dépasser certaines limites. Maintenant, les 300 chevaux sont la règle plutôt que l'exception, et les séjours dans les hautes couches de l'atmosphère sont devenus plus faciles, plus fréquents. Certains parmi nous se rappellent que lorsque nous étions jeunes, Garros acquit une réputation mondiale en atteignant l'altitude de 6000 mètres, et le survol des Alpes passa pour un exploit tout à fait formidable. Depuis, notre moyenne s'est considérablement améliorée. Il y a 20 vols en altitude là où jadis il n'y en avait qu'un. Certes, la plupart ont été effectués en parfaite impunité, et les 10 000 mètres ont été atteints bien des fois sans autres obstacles que le froid et la suffocation. Mais qu'est-ce que cela prouve? Un visiteur pourrait descendre un millier de fois sur notre planète et ne jamais voir un tigre. Pourtant, les tigres existent, et si par hasard notre visiteur se posait dans la jungle, il pourrait être dévoré. Il y a des jungles dans l'air supérieur habitées par plus terribles que des tigres. Je crois qu'un temps viendra où ces jungles seront reportées avec précision sur les cartes. Dès à présent, je peux en situer deux, l'une au-dessus de la région Pau-Biarritz en France, l'autre au-dessus de ma tête pendant que j'écris chez moi dans le Wiltshire. Je croirais assez qu'il en existe une troisième dans la région de Wiesbaden. Ce sont certaines disparitions d'aviateurs qui m'en ont donné l'idée. Bien sûr, on admet généralement qu'ils sont tombés en mer, mais cette explication ne me satisfait pas du tout. D'abord, il y a eu Verrier, en France. Son appareil a bien été retrouvé près de Bayonne, mais jamais on n'a découvert son cadavre. Il y a eu aussi le cas de Baxter, qui a disparu, bien que son moteur et quelques débris de ferraille aient été identifiés dans un bois du Leicestershire. Le docteur Middleton, d'Amesbury, qui suivait le vol de l'avion à la lunette, a déclaré que juste avant que les nuages n'obscurcissent son champ visuel, il avait vu l'appareil, qui se trouvait à une altitude considérable, se cabrer soudain perpendiculairement dans une série de secousses d'une violence incroyable. Voilà la dernière image enregistrée de l'avion de Baxter. Il y a eu ensuite plusieurs autres cas analogues, et puis il y a eu la mort de Hay Connor. Que devint bavardage sur ce mystère non élucidé? Que de colonnes dans les journaux. Mais on s'est bien gardé d'aller au fond des choses. Il est descendu en vol plané d'une altitude inconnue. Il n'est pas sorti de son appareil. Il était mort sur son siège. De quoi est-il mort? Crise cardiaque, ont répondu les médecins. Absurde. Le cœur de Connor était aussi robuste que le mien, qu'a déclaré Venables. Venables était le seul homme qui se trouvait à côté de lui quand il est mort. Il a affirmé que Hay Connor était secoué de frissons et qu'il avait l'air épouvanté. « Mort de peur, » a dit Venables, sans parvenir à imaginer ce qui lui avait fait peur. « Connor n'a murmuré qu'un mot, » à Venables. Un mot qui ressemblait à monstrueux. Au cours de l'enquête, personne n'a pu préciser à quoi ce monstrueux pouvait s'appliquer. Moi, j'en serais capable. Des monstres. Tel a été le dernier mot du pauvre Harry et Connor. Et il est réellement mort de peur. Venables avait raison. Et puis, il y a eu la tête de Myrtle. Croyez-vous vraiment? Quelqu'un croit-il vraiment qu'une tête d'homme puisse être complètement renfoncée dans son corps à la suite d'une chute? Moi, en tout cas, Je n'ai jamais cru en cette explication pour Myrtle. Et la graisse sur ses vêtements, tout gluant de graisse, a déposé quelqu'un à l'enquête. Étrange que personne n'ait réfléchi là-dessus. J'ai réfléchi, moi. Il est vrai que depuis longtemps je réfléchissais déjà. J'ai fait 3 tentatives et Dangerfield qui me taquinait parce que j'emportais mon fusil de chasse. Mais je ne suis pas monté assez haut. Maintenant, avec mon nouveau poil Véronaire léger et son rebure de 175 chevaux, je devrais demain atteindre facilement les 10 000 mètres. Je tenterai le record. Possible que je tente aussi le diable. Je ne nie pas le danger, mais si un homme veut éviter le danger, il n'a qu'à s'abstenir de voler et à passer sa vie en pantoufles et en robe de chambre. Demain, j'explorerai la jungle de l'air. S'il y a quelque chose dedans, je le saurai. Si j'en reviens, je serai un personnage célèbre, une vedette. Si je n'en reviens pas, ce carnet de notes attestera ce que j'essaie de faire et comment j'ai perdu la vie en essayant. Mais de grâce, pas de radotage sur un accident ou un mystère. J'ai choisi mon monoplan Paul Véronaire pour ce petit travail. Rien de tel qu'un monoplan quand on veut vraiment réussir quelque chose. Beaumont s'en est aperçu tout au début. Par exemple, l'humidité ne l'affecte pas. Or, le temps actuel laisse prévoir que nous serons constamment dans les nuages. C'est un joli petit prototype qui répond à ma main comme un cheval à bouche tendre. Le moteur est en rebure de 10 cylindres qui fait 175 chevaux. L'appareil est pourvu des derniers progrès de la technique. Fuselage blindé, patin d'atterrissage aux courbes hautes, frein puissant, stabilisateur gyroscopique, 3 vitesses actionnées par une altération de l'angle des plans d'après le principe des jalousies à lame mobile. J'ai emporté un fusil de chasse et une douzaine de cartouches de gros plomb. Vous auriez dû voir la tête de Perkins, mon vieux mécano, quand je l'ai prié de les mettre dans l'avion. Je me suis habillé en explorateur de l'Arctique, avec 2 chandails sous ma combinaison, des bas épais à l'intérieur de mes bottes fourrées, une casquette à rabat et mes lunettes en mica. Dehors, près des hangars, j'étouffais. Mais comme je voulais dépasser en ascension la hauteur du sommet de l'Himalaya, il fallait bien que je porte le costume de mon rôle. Perkins se doutait de quelque chose et il m'a supplié de l'emmener. Si j'avais utilisé un biplan, j'aurais peut-être accédé à sa requête. Mais un monoplan dont on veut tirer le maximum de force ascensionnelle est l'affaire d'un homme seul. Naturellement, j'ai pris une vessie d'oxygène. L'aviateur qui voudrait tenter de battre un record d'altitude sans oxygène serait gelé ou suffoquerait, ou cumulerait les 2 inconvénients. Avant de prendre place, j'ai vérifié les plans, le palonnier et le guignol. Satisfait de mon inspection, j'ai mis en marche et j'ai roulé en douceur. J'ai décollé en première. J'ai fait 2 fois le tour du terrain pour chauffer un peu le moteur. Avec un geste de la main, j'ai dit au revoir à Perkins et aux autres. Puis je me suis enlevé et j'ai poussé le moteur à fond. L'avion a glissé dans le vent comme une hirondelle pendant une 15aine de kilomètres. Je l'ai miné en l'air et il a commencé à grimper en dessinant une grande spirale vers le banc de nuages. Il est très important de s'élever lentement pour s'adapter à la pression. Il faisait lourd et chaud pour un jour de septembre en Angleterre. La pluie menaçait. Des bouffées de vent soufflaient du sud-ouest. L'une d'elles, particulièrement violente, m'a pris au dépourvu et m'a brutalement déporté. Je me rappelle le temps où les rafales et les trous d'air représentaient de graves dangers, parce que nos moteurs manquaient de puissance. Juste au moment où j'ai atteint la couche de nuages, il s'est mis à pleuvoir. Mon altimètre marquait 1 000 mètres. Ma parole, quelle pluie! Elle tambourinait sur les ailes, me fouettait le visage, brouillait mes lunettes. Je n'y voyais presque plus rien. Elle contrariait ma moyenne, mais qu'y faire? Pendant que je prenais de la hauteur, elle s'est transformée en grêle et j'ai dû chercher à la contourner. L'un de mes cylindres ne fonctionnait plus. Une bougie encrassée sans doute. Néanmoins, j'ai pu continuer à grimper sans rien perdre de ma puissance. D'ailleurs, peu de temps après, mon ennui mécanique a pris fin et j'ai réentendu le vrombissement plein, profond des 10 cylindres qui chantaient d'une seule voix en parfaite harmonie. Voilà où intervient le miracle de nos silencieux modernes. Nous pouvons enfin contrôler nos moteurs par l'oreille. Quand ils ne tournent pas rond, comme ils crient, protestent, sanglotent. Autrefois, tous ces appels au secours étaient perdus, engloutis par l'épouvantable vacarme de la machine. Ah, si seulement les pionniers de l'aviation pouvaient ressusciter pour admirer la perfection mécanique qui a été payée du prix de leur vie. Vers 9h30, je suis arrivé tout près des nuages. Au-dessous de moi, toute brouillée et barbouillée de pluie, s'étendait la vaste plaine de Salisbury. Une demi-douzaine d'appareils se traînaient à 300 ou 400 mètres d'altitude. On aurait dit des moineaux. J'ai eu l'impression qu'il se demandait ce que j'allais faire dans les nuages. Brusquement, un rideau gris s'est étiré sous moi et des tourtillons de vapeur humide ont dansé autour de ma figure. C'était froid et triste, mais j'avais vaincu la grêle et c'était autant de gagner. Le nuage était aussi sombre et épais qu'un brouillard londonien. Désireux d'en sortir, j'ai tiré sur le manche jusqu'à ce que résonne la sonnette d'alarme automatique. Je commençais à glisser à reculons. Mes ailes détrempées m'avaient alourdi plus que je n'aurais cru. Mais bientôt je suis parvenu dans une zone nuageuse moins dense, puis j'ai émergé. Une deuxième couche, opaline et cotonneuse, m'attendait à une grande altitude au-dessus de moi. Elle constituait un plafond blanc uni, tandis qu'en bas s'étalait un plancher noir et aussi lisse. Entre les deux, mon monoplan se frayait son chemin vers le plein ciel. On se sent mortellement seul dans ces vastes espaces. J'ai vu une grande troupe d'oiseaux aquatiques volant à tire-d'aile vers l'ouest. J'avoue que leur présence m'a fait plaisir. Je pense que c'était des sarcelles, mais je suis un piètre zoologue. Maintenant que les hommes se sont faits oiseaux, nous devrions apprendre à reconnaître nos frères du premier coup d'œil. Le vent brassait sous moi la grande plaine de nuages. À un moment donné, il a déclenché un grand remous, un gouffre s'est creusé, et par le trou de sa cheminée, j'aperçus la terre. Un gros avion blanc volait beaucoup plus bas. C'était sans doute le service régulier du matin Bristol-Londres. Puis le tourbillon s'est mis à tournoyer dans l'autre sens et j'ai retrouvé ma solitude. Un peu après 10 heures, j'ai pris contact avec le bord inférieur de la couche nuageuse du dessus. Ces stratus étaient de la fine vapeur diaphane qui dérivait lentement vers l'est. La force du vent avait régulièrement augmenté. Déjà la température était très froide, bien que mon altimètre n'indiquât que 3000 mètres. Le moteur tournait admirablement rond, plus épais que je ne l'escomptais. Le nuage s'est finalement aminci en une brume dorée, et j'étais accueilli par un ciel absolument pur et un soleil radieux. Au-dessus de moi, rien que du bleu et de l'or. Au-dessous, rien que de l'argent étincelant. Il était 10 heures et quart. L'aiguille du barographe indiquait 4200 mètres. J'ai continué mon ascension. Les oreilles attentives au ronronnement du moteur, les yeux constamment fixés sur le chronomètre, le contour, le niveau d'essence, la pompe à huile. Rien d'étonnant que les aviateurs soient considérés comme des gens qui n'ont peur de rien. Ils ont à penser à tellement de choses qu'ils n'ont pas le temps de penser à eux-mêmes. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué comme une boussole est un peu digne de foi quand on dépasse une certaine altitude au-dessus de la terre. Le soleil et le vent, heureusement, me donnaient mes véritables coordonnées. J'avais espéré trouver une éternité de calme en prenant toujours plus de hauteur. Mais au fur et à mesure que je grimpais, la tempête croissait, elle, en violence. Mon monoplan gémissait, tremblait dans tous ses rivets, se faisait balayer comme une feuille de papier quand je voulais virer, glissait dans le vent plus vite, peut-être, qu'aucun mortel n'avait jamais volé. Il me fallait redresser constamment l'appareil et louvoyer dans l'épi du vent, car je n'ambitionnais pas seulement un record d'altitude. D'après tous mes calculs, c'était au-dessus du petit Wiltshire qui était situé ma jungle de l'air. Je perdrais donc le bénéfice de tous mes efforts si j'attaquais ailleurs les hautes couches de l'atmosphère. Je suis arrivé à 6000 mètres aux environs de midi. Le vent était si violent que je regardais anxieusement les haubans de mes ailes. Je m'attendais d'un moment à l'autre à les voir détendus ou rompus. J'avais dégagé le parachute derrière moi et je l'avais accroché à l'anneau de ma ceinture de cuir afin d'être paré pour le pire. C'est dans des moments pareils qu'un travail bâclé par un mécanicien peut coûter la vie à un pilote. Mais l'appareil se comportait courageusement. Ses cordages, ses supports bourdonnaient et vibraient comme autant de cordes de harpe. J'étais pourtant émerveillé de voir comment, malgré les coups et les secousses qui lui étaient assénés, il poursuivait son entreprise de domination du ciel. Il fallait qu'il y ait quelque chose de divin dans l'homme pour qu'il s'élève ainsi au-dessus des limites que le Créateur a paru lui assigner, et pour qu'il s'élève grâce à cette continuité désintéressée, héroïque, dont témoigne la conquête de l'air. On parle de dégénérescence humaine. Quand donc une histoire comparable a-t-elle été écrite dans les annales de notre race ? C'est avec ces idées en tête que je poussais toujours plus haut mon avion. Tantôt le vent me lacérait la figure, tantôt il sifflait derrière mes oreilles. La plaine de nuages au-dessous de moi avait pris ses distances. Ses replis, ses boursouflures d'argent s'étaient fondus dans une platitude éblouissante. mais tout à coup j'étais victime d'un avatar sans précédent. Certes, je savais déjà ce qu'il en coûtait de se trouver dans ce que nos voisins d'outre-Manche appellent un tourbillon. Mais à une échelle pareille, je n'en avais jamais vu. Ce formidable fleuve de vent qui balaye tout contient, semble-t-il, des remous en son sein qui sont aussi terrifiants que lui-même. Sans le moindre avertissement, j'ai tapé brutalement par l'un d'eux. Pendant une ou deux minutes, j'ai tourné en rond à une vitesse telle que j'ai failli perdre connaissance. Puis je suis tombé, l'aile gauche la première, dans le trou de la cheminée centrale. Le vide m'a entraîné en chute libre, comme une pierre, pendant près de 300 mètres. Je ne suis demeuré sur mon siège que grâce à ma ceinture. La secousse m'avait coupé le souffle et déporté à demi évanoui par-dessus le bord du fuselage. Mais, et c'est là mon grand mérite d'aviateur, je suis toujours capable de fournir l'effort suprême. J'ai pris conscience que ma chute se ralentissait. En fait, le tourbillon était plutôt un cône qu'une cheminée cylindrique, et je me rapprochais du sommet de ce cône. Au prix d'une terrible torsion, en jetant tout mon poids d'un côté, je remis mes ailes d'aplomb et j'ai repris le contrôle de l'avion pour sortir des remous. Brisé mais victorieux, j'ai nouveau tiré sur le manche et j'ai recommencé à grimper. Vers 13 heures, je me trouvais à 7 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. À ma grande satisfaction, j'étais arrivé au-dessus de la tempête. Plus je montais, plus l'air se faisait calme. Par contre, il était très froid et je commençais à éprouver la nausée particulière qui accompagne la raréfaction de l'air. Alors j'ai dévissé la capsule de ma vessie d'oxygène et j'aspirais à intervalles réguliers ce gaz miraculeux. Je le sentais couler comme un cordial dans mes veines et j'étais émoustillé, au bord de l'ivresse. Je criais, je chantais tout en dessinant mes orbes dans le ciel glacé. Je suis sûr que la défaillance dont ont été victimes Glacier et à un degré moindre Coxwell, quand, en 1862, ils atteignirent en ballon l'altitude de 10 000 mètres, a été provoquée par la rapidité extrême avec laquelle s'accomplit une ascension perpendiculaire en ballon. Quand on monte selon un angle modéré et que l'on s'accoutume lentement à la diminution de la pression atmosphérique, on évite ce genre de trouble. Moi, à altitude égale, je me suis aperçu que même sans mon inhalateur d'oxygène, je pouvais respirer sans malaise intolérable. Le froid devenait diablement vif, cependant, et mon thermomètre marquait moins 18 centigrades. À 13 h 30, j'étais presque à 11 000 mètres au-dessus de la surface du globe, et je continuais à grimper régulièrement. Toutefois, l'air raréfié soutenait moins bien mes ailes, et mon angle d'ascension s'était considérablement réduit. J'ai compris que même avec un appareil aussi léger et un moteur ultra robuste, je ne tarderais pas à atteindre mon plafond. Comble de malchance, une bougie s'étant déréglée, mon moteur s'est mis à tousser. Au moment où je redoutais un échec, un incident tout à fait extraordinaire est survenu. Un objet m'a dépassé en brombissant et en dégageant de la fumée à sa suite, puis a explosé dans un grand sifflement au milieu d'un nuage de vapeur. Sur le moment, je suis resté interloqué. Et puis je me suis rappelé que la Terre était continuellement bombardée par des pierres météoriques et qu'elle serait difficilement habitable si presque tous ces météorites ne se transformaient pas en vapeur au contact des couches supérieures de l'atmosphère. Voilà bien un nouveau danger pour l'amateur du plein ciel, car deux autres météorites sont passées près de moi quand j'ai approché des 12 000 mètres. Aux confins de l'enveloppe terrestre, le risque doit être très grand et très réel. L'aiguille de mon barographe marquait 12 300 mètres quand je me suis rendu compte que je ne pourrais pas monter plus haut. Physiquement, j'aurais pu supporter un effort supplémentaire, mais ma machine avait atteint sa limite. L'air raréfié ne soutenait plus suffisamment mes ailes. À la moindre inclinaison, l'appareil glissait sur l'aile et n'obéissait plus aux commandes. Peut-être, si le moteur n'avait pas cafouillé, aurais-je grignoté 300 ou 400 mètres de plus. Mais les ratés se faisaient de plus en plus nombreux et 2 cylindres sur 10 me paraissaient en panne. Si je ne me trouvais pas déjà dans la zone que je recherchais, il me serait impossible de l'atteindre à présent. Mais n'y avais-je pas pénétré? Dessinant des cercles et planant comme un gigantesque faucon à l'altitude de 12 300 mètres, j'ai laissé le monoplan se diriger tout seul. Avec mes jumelles, j'ai soigneusement inspecté les alentours. Le ciel était d'une clarté parfaite. Rien ne laissait prévoir l'existence des dangers que je soupçonnais. J'ai dit que je planais en dessinant des cercles. j'ai réfléchi que je ferais beaucoup mieux de prospecter une zone plus étendue. Un chasseur qui se rend dans l'une des jungles de la Terre ne la traverse-t-il pas d'un bout à l'autre dans l'espoir de découvrir son gibier? Or, selon mes déductions, la jungle de l'air que je visais devait se situer quelque part au-dessus du Wiltshire, c'est-à-dire sur mon sud-ouest. J'effectue un relèvement d'après le soleil, puisque le compas était hors d'usage et que je ne distinguais plus la terre, et j'ai foncé dans la direction voulue, tout droit, parce que j'avais calculé qu'il ne me restait plus d'essence que pour une heure. Mais je pouvais m'offrir le luxe de l'épuiser jusqu'à la dernière goutte, car un magnifique vol plané me ramènerait sans encombre au sol. Soudain, j'ai senti quelque chose de neuf. Devant moi, l'air avait perdu sa limpidité de cristal. Il contenait de longues formes tordues d'une matière que je ne pouvais comparer qu'à la très fine fumée de cigarettes. Leurs guirlandes, leurs couronnes, roulaient lentement dans la lumière du soleil. Quand le monoplan traversait cette matière inconnue, j'ai eu sur les lèvres un vague goût d'huile et la charpente de mon appareil s'est recouverte d'une écume graisseuse. Une matière organique infiniment subtile semblait être en suspension dans l'atmosphère. Était-ce de la vie? Cette matière inconsistante, rudimentaire, s'étirait sur plusieurs hectares puis s'effrangeait dans le vide. Non, ce n'était pas de la vie, mais peut-être des vestiges de vie. Quelque chose comme une pâture de vie, la pâture d'une vie monstrueuse. La modeste graisse de l'océan est bien la pâture de la puissante baleine. J'étais en train d'y réfléchir, qu'en levant les yeux, j'étais gratifié d'une vision absolument unique. Puis j'espérais vous la rapporter telle qu'elle m'est apparue mardi dernier. Imaginez une méduse telle qu'on en trouve dans les mers tropicales, en forme de cloche mais d'une taille énorme, beaucoup plus grosse, selon moi, que le dôme de l'église Saint-Paul. D'une couleur rose tendre veinée d'un vert délicat, elle avait une essence si subtile qu'elle n'était qu'une configuration féerique sur le ciel bleu foncé. Elle vibrait à une cadence paisible et régulière, deux longues tentacules vertes, tombantes, qui se balançaient lentement d'avant en arrière et d'arrière en avant, la complétaient. Cette splendide vision est passée au-dessus de ma tête avec une dignité silencieuse. Légère et fragile comme une bulle de savon, elle a poursuivi majestueusement sa route. J'avais fait virer mon appareil afin de mieux la contempler, mais tout à coup je me suis découvert escorté par une escadre de créatures analogues, de tailles diverses, la première étant de loin la plus grosse. Certaines me parurent très petites, mais la majorité avait la taille d'un ballon de taille moyenne. La délicatesse de leur contexture et de leur teinte me rappelait le vert de Venise. Le rose et le vert pâle étaient les couleurs dominantes, mais elles s'irisaient quand le soleil jouait avec leurs formes graciles. Plusieurs centaines sont ainsi passées près de moi. Leur forme et leur substance s'harmonisaient si parfaitement avec la pureté de ces altitudes qu'il était impossible de concevoir rien de plus beau. Mais bientôt, mon attention a été captivée par un autre phénomène, les serpents de l'air extérieur. Imaginez de longs rouleaux minces, fantastiques, d'une manière qui ressemblait à de la vapeur. Ils tournaient et se tordaient à une vitesse incroyable. L'œil pouvait à peine suivre leurs évolutions. Certains de ces animaux fantomatiques pouvaient avoir 8 ou 10 mètres de long, mais il était malaisé de chiffrer leur diamètre, tant leurs contours étaient brumeux et semblaient se fondre dans l'air. Ces serpents de l'air, d'un gris très clair, étaient striés à l'intérieur de lignes plus foncées qui donnaient l'impression d'un organisme réel. L'un d'entre eux m'a frôlé le visage. J'ai senti un contact froid et humide. Ils avaient l'air si peu matériels que je n'ai nullement pensé à un danger physique possible en les observant d'aussi près. Leur forme était aussi dépourvue de consistance que l'écume d'une vague qui se brise. Une expérience plus terrible m'était réservée. Descendant d'une grande altitude, une tache de vapeur de pourpre m'a d'abord paru petite, mais elle a grossi rapidement en se rapprochant de moi. Bien que constituée par une sorte de substance transparente qui ressemblait à de la gelée, elle n'en avait pas moins un contour bien précis et une consistance plus solide que ce que j'avais vu jusqu'ici. J'ai relevé également des traces plus nettes d'un organisme physique, en particulier deux plaques rondes, assez larges, ombreuses, de chaque côté, qui pouvaient être des yeux, et entre eux un objet blanc très solide qui faisait saillie, et qui était aussi recourbé et paraissait aussi cruel que le bec d'un vautour. L'aspect global de ce monstre était formidable, menaçant. Il changeait constamment de couleur, virant d'un mauve très clair à un rouge sombre inquiétant. Je ne pouvais nier sa densité puisqu'il avait projeté une ombre en s'intercalant entre le soleil et l'avion. Sur la courbure supérieure de son corps, il y avait trois grosses bosses que je ne saurais mieux décrire qu'en les comparant à des bulles énormes. J'ai pensé qu'elles devaient contenir une sorte de gaz extrêmement léger, destiné à soutenir cette masse informe et demi-solide dans l'air raréfié. Se déplaçant rapidement, le monstre suivait sans effort la vitesse de mon monoplan. Pendant une trentaine de kilomètres, il a plané au-dessus de moi, tel l'oiseau de proie qui se prépare à fondre sur sa victime. Pour progresser, sa méthode consistait à lancer devant lui quelque chose comme un long serpentin glutineux qui, à son tour, semblait tirer le reste du corps. Il était si élastique, si gélatineux, qu'il ne conservait jamais la même forme pendant 2 minutes consécutives, mais chaque modification le rendait plus menaçant, plus affreux. Je savais qu'il était mon ennemi. Chaque élément de son corps tout rouge proclamait son hostilité. Ses gros yeux imprécis ne me quittaient pas. Ils étaient froids, impitoyables, animés d'une haine viscérale. J'ai baissé le nez de l'avion pour descendre et le fuir. Aussitôt, rapide comme l'éclair, une longue tentacule a jailli de cette masse flottante et elle s'est abattue comme un coup de fouet sur le devant de mon appareil. Au contact du moteur brûlant, j'ai entendu un sifflement aigu et la tentacule a remonté dans l'air, tandis que le corps du monstre se recroquevillait comme sous l'emprise d'une douleur subite. J'ai voulu plonger en piqué, mais à nouveau une tentacule est tombée sur l'avion. L'hélice l'a arrachée avec la même facilité que si elle avait fendu un tourtillon de fumée. Un long rouleau gluant, poisseux, s'est alors posé derrière moi. S'est enroulé autour de ma taille pour me tirer hors du fuselage. Mes doigts se sont enfoncés dans une surface lisse comme de la glu, l'ont déchiré, et je me suis libéré un instant, mais immédiatement, un autre rouleau m'a enlacé la jambe avec une brutalité telle que je suis presque tombé en arrière. Devant cette attaque, j'ai déchargé les deux canons de mon fusil. Certes, je devais ressembler à un chasseur d'éléphants attaquant son gibier avec une petite sarbacane de poche. Comment pouvais-je espérer qu'une arme humaine paralyserait une masse aussi monstrueuse ? J'ai tout de même été bien inspiré car, dans un grand fracas, l'une des grosses bosses de la bête a explosé sous la décharge de mes plombs. J'avais deviné juste. Ces bosses étaient bien gonflées de gaz. En effet, mon ennemi a roulé sur le côté en se tordant désespérément pour retrouver son équilibre. Le bec blanc s'entrouvrait et claquait de rage. Mais déjà, j'avais entamé le piqué le plus audacieux que je pouvais me permettre, à plein gaz. Autrement dit, j'échus littéralement comme un aérolithe. Loin derrière moi, une tache rouge terne se rapetissait rapidement, s'est fondue enfin dans le bleu du ciel. Ouf ! J'étais sorti sain et sauf de cette terrible jungle de l'air extérieur. Une fois hors de danger, j'ai coupé les gaz, car rien n'abîme plus une machine que de piquer avec toute la puissance du moteur. Depuis une altitude voisine de 12 000 mètres, j'exécutais un merveilleux vol plané en spirale, d'abord jusqu'à la couche nuageuse argentée, puis jusqu'au nuage orageux du dessous, et enfin à travers une pluie battante jusqu'au sol. En émergeant des nuages, j'ai vu la Manche au-dessous de moi. Comme il me restait encore un peu d'essence, j'ai franchi une trentaine de kilomètres à l'intérieur des terres et j'ai atterri dans un champ à 1/2 kilomètre du village d'Ashcombe, où je suis allé acheter 3 bidons. À 6h10 du soir, je me posais sur mon terrain de devise après un voyage que nul mortel sur la terre avant moi n'avait mené à bonne fin pour en faire le récit. J'ai vu la beauté et l'horreur du plein ciel, beauté et horreur qui dépassent tout ce que l'homme en connaît sur la terre. Mon plan est maintenant de remonter encore une fois avant de communiquer mes résultats au monde. Il le faut. Il faut que je ramène une sorte de preuve avant d'accabler mes compatriotes d'une pareille histoire. Naturellement, d'autres aviateurs confirmeront bientôt mes dires. Mais je voudrais emporter du premier coup la conviction du public. Ces jolies bulles d'air irisées devraient se laisser capturer. Elles vont lentement leur chemin. Un monoplan rapide pourrait les intercepter. Il est vraisemblable qu'elles se dissoudront dans les couches plus lourdes de l'atmosphère et que je ne ramènerai au sol qu'un petit tas de gelée amorphe. N'importe. J'aurai au moins quelque chose qui authentifiera mon récit. Oui, je remonterai, même si je cours les plus grands risques. Ces monstres rouges n'ont pas l'air nombreux. Je n'en verrai sans doute pas un seul. Si j'en aperçois un, je piquerai immédiatement. Au besoin, je me servirai de mon fusil et de ma connaissance de... Ici manque malheureusement une page du manuscrit. À la page suivante, ces mots étaient griffonnés. 13 100 mètres. Je ne reverrai plus jamais la terre. Ils sont trois, au-dessous de moi. Que Dieu m'aide. Mourir ainsi est atroce. Voilà donc intégralement le récit de Joyce Armstrong. Du pilote, on n'a plus jamais rien appris. Des débris de son monoplan fracassé ont été identifiés dans la réserve de chasse de M. Bud Lushington, sur la frontière du Kent et du Sussex, à quelques kilomètres du lieu où le carnet de notes a été découvert. Si la théorie du malheureux aviateur est exacte, si cette jungle de l'air, comme il l'appelle, existe seulement au-dessus du sud-ouest de l'Angleterre, il a dû chercher à s'enfuir à tire-d'aile, mais il a été rattrapé et dévoré par ces horribles monstres au-dessus de l'endroit où l'avion s'est abattu. L'image de ce monoplan déballant le plein ciel, avec ses terreurs innommables lui barrant la route de la terre et refermant progressivement le cercle sur leurs victimes, est de celles sur lesquelles un homme qui tient à son équilibre mental préfère ne pas s'éterniser. Je sais que des sceptiques ricaneront devant l'exposé des faits, mais enfin ils devront bien admettre la disparition de Joyce Armstrong. Je leur recommande de méditer sur ces deux phrases. Ce carnet de notes attestera ce que j'essaie de faire et comment j'aurais perdu la vie en essayant. Mais de grâce, pas de radotage sur un accident ou un mystère. Ainsi s'achève L'horreur du plein ciel par Arthur Conan Doyle.